Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté la fabrique de tracteurs Kumsong. Faisant le tour de divers endroits, il a encouragé les ouvriers engagés dans la fabrication en série des tracteurs de 80 chevaux vapeur de type nouveau. À la réunion consultative tenue sur place, le premier ministre a pris des mesures pour moderniser la fabrique et régler des problèmes en suspens. Le premier ministre a également inspecté le complexe thermoélectrique de Pyongyang, la filature Kim Jong-suk de Pyongyang et la fabrique de serviettes de Pyongyang pour prendre des mesures d'accomplir sans faute le plan de production électrique et d'augmenter la production des articles de première nécessité.